Il y a eu une sorte de rupture entre les vacances d'été et la reprise de septembre. Alice s'est faite rattraper et petit à petit submergée par une tonne de problèmes personnels. Elle était bien incapable de tout régler, comme si une brume l'avait enveloppée et qu'elle stagnait sur elle. Elle était forcément moins disponible. Un jour, elle m'a dit qu'on se voyait trop, qu'il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants. On se voyait trop. J'étais d'accord sur le fond, il fallait qu'elle gère sa vie, mais sur la forme. Au-delà de cet aspect, lorsqu'Alice était loin de moi, j'avais besoin de me sentir exister dans sa vie. J'existais au travers des nombreux SMS qu'on s'envoyait, mais cela ne suffisait pas. Je voulais qu'elle s'intéresse à moi, à ma vie sans elle. Alice ne pose pas de questions. C'est très déstabilisant de ne pas avoir juste un « ça va ». Alice partait du principe que si j'avais quelque chose à dire, je n'avais qu'à le dire. C'est pas évident de raconter des trucs à une Alice qui ne pose pas de questions. On pourrait croire qu'elle s'en fout. Mais elle ne s'en foutait pas. Elle retenait tout. Elle avait une intelligence et une mémoire hors normes. J'étais à l'étroit dans mon petit cerveau et mes principes tout étriqués. Peut-être que je sortais avec une fille trop évoluée pour ma machinerie préhistorique.